ça qui dit non, mais regrave. Champion du monde. Anana Moula. Jamais sans nous. Anadoula Mogati. Pézina la solitaire. Ale Gambo Gambo Gandiyande. Mais manda bango na cimetière. Gambo Gambo Gandiyande. Ale Gambo Gambo Gandiyande. Dila Mane Wazande Gandiyande. International. Ale Gambo Gambo Gandiyande. Wana Gendo Makushika. Kose Sela Wakwela Grisele Patrike Mungala Wamushika. Baba Wande, Baba, Baba Wande, Tula Mukati. Baba Wande, Baba Wande, Tula Mukati. Ah, Pascaline Pongo, Yaya Balegue, Tula Mukati. Maître Vincent Gomez, Naponto Labele, Tula Mukati. Ale Chakne Mane, Maya Simoana Mame, Tula Mukati. Fongo la miso, Sylvie Likibi, Fongo la miso, Wana Kola, Fongo. populaire. Ah ben c'est ça ou quoi?